les coulisses d'un musical, entre les loges et l'entresol, j'ai rencontré Tristan la poisse, le vieux zombie du Montparnasse. Dans son univers de flanelle, il est fringué comme une poubelle, il ne sait plus comment il s'appelle, mais swing avec les hirondelles. Et Tristan la poisse, qu'est-ce que tu fous là? Tu frimes toujours comme une diva. Et Tristan la poisse, qu'est-ce que tu fous là? Arrête un peu ton cinéma. Et Tristan la poisse, t'es le roi des rats, et tu grignotes tes nirvana. Et Tristan la poisse, dis-moi pourquoi tu traînes toujours dans ces coins-là. Laissez-moi le droit de rester fou, loin de vous. Je m'émerveille, j'apparais n'importe où. Moi j'irai plus loin que vos soleils, je m'en fous. On a fermé le musical, y a du hot dog à l'entresol. Dans les coulisses de ce snack bar, Tristan la poisse est au comptoir. Dans son univers parallèle, il est à son septième rappel. Il swing, swing avec les ice cream, et va crever d'un overdream. Tristan la poisse, qu'est-ce que tu fous là? Y a plus de musique, mais des pizzas. Et Tristan la poisse, qu'est-ce que tu fous là? Avec ton singe sur le bras. Et Tristan la poisse, mon vieux rasta, on a fermé tes alambras. Et Tristan la poisse, rêve pas, rêve pas, émerge un peu, viens avec moi. Laissez-moi le droit de rester fou, loin de vous, malgré projecteur, je m'émerveille, j'apparais.